Tout avait commencé dans le calme. Vers 18h30, étudiants et lycéens s'étaient rassemblés à la place d'Enfer Rochereau. Ils étaient environ 30 000. DBK Project. Et on va parler de mai 68. Les racines de mai. Oui, parce que le 22 mars 1968, les étudiants de l'université de Nanterre commençaient à bloquer les locaux de la fac. Le mois de mai 68, dans le collimateur depuis quelques temps, c'est aussi de rappeler que... La bataille se poursuivait, les secouristes de la Croix-Rouge devaient relever 367 blessés. Un peu partout, les pompiers s'affairaient pour éteindre les incendies. À 5h30 ce matin, les manifestants cessaient toute résistance. Même si le mois de mai ne vous a guère touché, même s'il n'y a pas... En mai 2009, TV Culture parle mai 68. Même si votre voiture n'a pas été incendiée, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné.